Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Tous les mois, c'est l'émission où nous parlons de radio durant trois quarts d'heure à travers les carrières de ceux et de celles qui la font ou qui l'ont fait. Et dans ce nouvel épisode, nous allons explorer le parcours d'un animateur et journaliste dont la carrière a été en partie marquée par l'Europe et qui nous prouve que la radio, c'est du son, mais c'est aussi une fenêtre ouverte sur le monde. Actuellement, ces matinées se résument à radio, café et flocons d'avoine. RCF, c'est juste une manière originale que j'ai trouvée pour préciser que mon invité réveille les auditeurs de RCF depuis quelques mois maintenant. Mon invité se nomme Simon Barthy, bienvenue à vous. Merci, bonjour Eddy. Bonjour, et puis bienvenue à Paris aussi. Ouais, exactement, parce que pour moi c'est, je suis encore le provincial, d'ailleurs on peut entendre le léger accent toulousain qui est présent derrière. C'était une découverte avec RCF de venir s'installer sur Paris et de se baser dans la capitale. Alors RCF, nos auditeurs ne connaissent pas forcément, c'est pas Radio Café Flocon d'Avoine, non, c'est Radio Chrétienne Francophone, c'est un réseau national qui regroupe plusieurs radios associatives chrétiennes, on va en parler je pense au cours de cette émission, mais on va commencer par le commencement tout de suite. Simon, vous êtes au micro d'une radio associative, ça vous rappelle forcément des souvenirs je suppose? Ça me rappelle ce matin 6h30, 9h, ça me rappelle, alors c'est rigolo parce qu'à la différence de certains de vos invités, ça me rappelle pas ma première radio ou mes débuts, parce que j'ai commencé ma toute première radio quand j'ai découvert la radio en troisième, c'était sur Chéri FM, sur une locale de Chéri FM, dont j'ai commencé par découvrir les joies d'un réseau avec ses fenêtres de décrochage, ses temps d'antenne particuliers. Et chose amusante, la deuxième radio que j'ai fréquentée à Carcassonne où j'ai grandi, c'était RCF Pays d'Aude. Alors je me doutais pas que quelques dizaines d'années, je me retrouverais plus tard à revenir fréquenter ces ondes-là. Mais oui, bien sûr, la radio associative, c'est quasiment presque toute ma vie radiophonique, à quelque chose près. Mais alors du coup, donc vos premières découvertes donc à Chéri FM et à RCF donc, mais avant la radio. Bref, la radio pour moi c'était une partie de mon enfance. En fait, j'ai baigné là-dedans. J'ai des parents qui sont de gros auditeurs de radio. Tous les midis à la maison, le poste de radio était allumé et en fait il n'y avait pas de télé. C'était RTL, c'était Europe 1, c'était France Inter. Donc j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un poste de radio. Même moi, adolescent, c'est rigolo, dans ma chambre, c'était assez un décalage d'ailleurs avec mes copains. C'était France Info qui passait dans la chambre l'essentiel du temps. J'ai toujours adoré me suivre l'information, essayer de comprendre un petit peu le pouls du monde, la société dans laquelle on vit, et je trouve que c'est une super compagne, la radio, pour vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Il y a quel autre média qui est capable de faire ça, de vous accompagner sous la douche, ou que vous soyez dans votre journée, et d'être cette petite voix qui vous trotte dans la tête et qui est toujours là. Donc oui, c'est ce que j'allais dire. Vous étiez donc déjà passionné de radio, curieux avant. Ouais, totalement. C'était une vraie passion. Alors, j'aime vraiment cette partie journalistique que j'ai découvert après un petit peu presque par hasard. C'est le monde de la télévision qui m'a fait découvrir le journalisme. Mais la radio initialement, moi, ce que je voyais, c'est le côté animateur, c'est la console. Arrivé la première fois que je mets les pieds dans un studio, je vois cette grosse console avec les racks sur le côté. Ça clignote dans tous les sens et il y a un côté presque magique avec la gorgie qui égrène les secondes. J'ai dit, mais waouh, c'est vachement chouette ce truc-là. Ça a l'air génial ici. Mais comment on fait pour se retrouver là derrière un micro et être payé pour parler? Parce que d'une certaine façon, si on le résume, c'est un petit peu ça. Alors, c'est très caricatural, bien évidemment, mais quelle chance on a quand on peut faire ce boulot-là. Donc direct à Chéri FM, donc là, paf, coup de foudre. Coup de foudre, et je me retrouve du coup, mon petit stage de troisième, déjà c'est assez rigolo parce que de base, je vais faire monteur pour le cinéma, et ado monteur pour le cinéma, Carcassonne, 40 000 habitants, pour un stage de troisième ça marche pas. Donc je vois Chéri FM, je dis tiens on va aller voir, et je me tombe dans le bureau du directeur qui me dit, oui pourquoi pas, venez, et le stage se passe hyper bien, une équipe absolument adorable qui comme tous les petits stagiaires, on lui fait rédiger sa brève, on le met au moment derrière le micro, tout stressé. J'ai brûlé la bande depuis parce que c'était absolument horrible. Alors comment se sent à ce moment-là le tout premier micro? C'est terrifiant, c'est absolument terrifiant parce que c'était affreux dans le sens où j'essayais d'imaginer les gens de l'autre côté du poste et je pense que c'est certainement ce qu'il ne faut absolument jamais faire. Et puis on s'est dit, parce qu'en plus on est en famille, donc il y a papa, il y a maman, il y a les grands-parents, il y a les amis qui écoutent, comparé à aujourd'hui, ça serait presque rigolo, mais c'était un côté terrifiant. Et dans les mois qui ont suivi, ils ont toléré progressivement ma présence parce que je suis revenu les embêter de manière récurrente durant les vacances scolaires. J'ai aidé à porter des câbles, monter, installer des studios, démonter des studios. Voilà, je me suis beaucoup amusé. C'était une petite école, et puis surtout le fait de pouvoir parler à des passionnés, de parler à des gens qui dont la bande FM, ils ont connu effectivement l'éclosion de la FM dans les années 80, qui vous raconte l'époque où il y avait les chambres à écho, puis l'arrivée du réseau. On dit, ah non, ça, monsieur, c'est fini, maintenant faut standardiser, on charte, il y a le satellite, voilà. C'était quelque chose. Alors, du coup, je ferais parier que la radio a eu aussi une bonne influence sur votre orientation étudiante. Oui, alors c'est assez amusant parce que très rapidement, j'ai eu la chance quand j'ai découvert ce monde-là de me dire c'est vraiment là-dedans que je veux partir, et j'ai pas spécialement cherché midi à 14h. Pour moi, c'était une école de journalisme que je souhaitais faire impérativement. Et alors pourquoi du journalisme et pas de l'animation en particulier? Mais en fait, par rapport à vos premières écoutes. Entre les deux, il y a un moment où je suis entre ma première et ma terminale, il y a une télé locale qui se monte à Carcassonne, je fais littéralement le siège de la télé en disant je veux en être. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je veux en être. Et ils sont adorables, ils me disent écoute Simon, t'es bien gentil, mais en fait non, on n'a pas spécialement de place. À la rigueur, on avait une miss qui fait la météo, mais bon, elle est plutôt chouette. Et 24 heures avant le lancement, le directeur d'antenne me rappelle en disant est-ce que tu veux venir faire un essai? Il se trouvait que la jolie blonde aux yeux bleus qu'ils avaient trouvé pour faire la météo, dès que le tally de la caméra, le voyant rouge s'allumait, elle perdait tous ses moyens. Donc c'est comme ça que quasiment quelques heures avant le démarrage, je me retrouve embarqué dans l'aventure. Et là, j'ai découvert plein de facettes. Et j'ai découvert le journaliste reporter d'image. La personne qui fabrique un sujet de A à Z avec sa caméra, qui va faire son montage, mettre sa voix off. Et je me suis dit, voilà, c'est exactement ça que je veux faire. Et c'est là-dedans que le journaliste, vraiment cette partie journalistique est arrivée. Parce qu'auparavant, l'animation, ça a l'air rigolo. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, je me retrouve presque... sur un entre-deux. Il y a toujours le journaliste qui est là, mais le matin, quand on fait le réveil des gens, au fond, c'est pas un journal que je présente. Donc, cette casquette d'animateur, et quoi qu'il arrive, même si je ne me considère pas comme étant animateur, elle est quoi qu'il arrive un petit peu là. Mais du coup, ce que vous avez commencé à faire à la télé avec ce métier, du coup, on est d'accord que c'était pas le même fonctionnement qu'un journaliste radio. C'était... Non, bien évidemment, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lourd. En fait, c'est amusant parce que c'est ce qui fait aussi le charme de la radio et de la télé. La radio, c'est sa simplicité, le fait que là, on vient de s'installer tous les deux, on est face à notre micro et puis c'est parti. Au fond, que je sois réveillé depuis 5 minutes, malade ou autre, personne ne verra rien tant que la voix est là, tout roule. La télé, c'est une autre mécanique et justement, c'est ce qui me plaît dans sa complexité, le fait de se dire on va ramener des images, on va faire un montage, tout prend beaucoup plus de temps aussi, quoi qu'il arrive. On peut pas, avec une équipe telle qu'on construit une radio, on fera pas du tout la même chose en télévision, donc c'est assez amusant et c'est quelque chose que j'ai expérimenté juste à la sortie de l'école de journalisme, parce que je me retrouve sur un moment où je me dis le milieu du travail, ça a pas l'air quand même très simple. J'ai fait mes stages, je suis monté sur Paris, j'ai bossé un petit peu, et bon, j'avais pas forcément envie de mener dans un premier temps vraiment une vie parisienne. J'étais au fond très bien à Toulouse, donc je me suis dit que j'allais monter une totalement dingue, une chaîne de télévision avec des camarades de promo. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu expérimenté, parce que moi, de mon bac, je m'étais lancé un défi, je voulais monter une chaîne de télé temporaire en même temps que je révisais mon bac. J'ai jamais été très scolaire, par contre le dossier ça me plaisait beaucoup, allez savoir pourquoi. Et c'est assez amusant parce que j'ai eu mon autorisation d'émettre en télé analogique temporaire délivrée par le CSA exactement le même jour que j'ai eu mon bac. Voilà, c'était pour cadeau. Moi, ouais, c'est rigolo parce que je pense que ça a affligé un petit peu ma maman, qui elle est prof. J'étais plus content d'avoir au fond l'autorisation d'émettre, je pense, que le baccalauréat. Bon, passons. Mais à sortie de l'école, je monte une web télé, j'embarque avec moi 7 camarades de promo dans une drôle d'aventure où on se met à créer en ligne une télé locale, en fait, parce que c'est vraiment ça, une télé locale qui sort 4 heures de programme en direct tous les soirs, des magazines de débat, de sport, d'économie, de société, de l'info, des reportages, et c'est tout un petit écosystème qui se crée. Et on est en fait comme des jeunes diplômés, on est tout joyeux, tout fringant, et on se dit ça va être chouette, ça va cartonner. Et c'est chronophage. C'est des journées entières. En fait, on ne fait littéralement que ça. Et puis on découvre la réalité économique qui est derrière. qui consiste à aller voir des gens en disant voilà, on a aujourd'hui 250 000 visiteurs uniques sur le flux du direct tous les soirs qui se branchent. Donc il y a du monde qui regarde. Est-ce que vous voulez pas nous acheter de la pub? Et je me souviens comme ça d'un rendez-vous dans le bureau de la métropole de Toulouse et la personne en face de moi me dit mais en fait c'est chouette ton truc. Je dis pas le contraire mais c'est pas du papier. Donc non, je vais rien acheter parce que c'est pas du papier. Et là on se prend une claque monumentale parce qu'on se dit oh punaise, en fait ouais, on a beau y mettre toute nos énergies, le faire avec avec vraiment bonne humeur, le plus de professionnalisme possible, avoir quelque chose de carré qui fonctionne bien, qui est reconnu par les uns et par les autres, ça suffit pas parce que s'il y a pas des moyens financiers derrière, faut faire quoi qu'il arrive, tourner la marmite, payer les uns et les autres, et il y a un moment où en fait c'est plus possible. Ouais, c'est toujours difficile, hein, surtout sur ces petites structures locales, j'imagine. Ouais. Exactement, parce qu'on est déjà parfois à l'échelle nationale, c'est pas simple, et quand on est sur des petits bassins, inévitablement c'est encore plus compliqué. Et la région toulousaine, même si c'est la quatrième ville de France, forcément, quand vous faites le tour, il n'y a pas non plus 36 000 annonceurs. Et puis, moi, j'ai une formation de journaliste, pas de commercial. Donc, c'est aussi des choses qui s'apprennent. Donc, on se prend des claques. Il y a des moments où on s'en sort mieux que d'autres. On peut réussir par moments, mais ça apprend la vie d'une certaine façon aussi. Hein. Mmh. Alors, petite parenthèse radio avant de passer à la première pause musicale. Moi, j'avais lu dans votre parcours que vous aviez fait un petit passage de quelques mois aussi à Radio Occitania. Oui, exactement, c'est rigolo, ouais, tout à fait. Mais je pose la question aux Toulousains, vous n'aviez pas présenté de journaux en occitan? Non, absolument pas, parce que c'est assez rigolo. En fait, je suis le Toulousain qui ne sait pas dire un mot d'occitan, si ce n'est Belmoun. Ça correspond à Joliment, c'était l'arrêt de métro où j'habitais, parce qu'il y a toujours à Toulouse, en fait, les deux prononciations en français et en occitan pour les arrêts de métro. Non, je me suis retrouvé à Radio Occitanie à faire à aller y travailler pour faire un de mes stages et y revenir derrière pour présenter les journaux de fin de journée. Et là aussi, c'est un super souvenir parce que, mais en fait, comme dans toutes les petites radios, au fond, les gens sont toujours très accueillants, très bienveillants. Et cette bienveillance, je trouve, c'est quelque chose qui caractérise vraiment ce milieu-là, en tout cas sur les petites radios. Pour les grosses, on pourra en rediscuter, mais sur les petites radios, il y a une vraie volonté de tendre la main aux gens, de les accueillir, de dire oui, viens au micro et vas-y, essaie-toi, gamelle-toi, c'est pas grave, tu vas apprendre. Et ça, c'est vachement chouette. Non, c'est vrai. Et c'est vraiment de très bonnes écoles aussi, on le dit souvent dans cette émission, très souvent. On va continuer à parler radio avec Simon Marty. Après cette première pause musicale que vous nous avez choisie, c'est Oscar Anton, hein, je le prononce bien. Oscar Anton, exactement. Ouais, c'est un artiste que j'ai découvert sur la playlist de RCF il y a un mois de ça et que finalement j'ai rajouté dans ma playlist perso Spotify. Donc voilà, moi j'aime bien personnellement. I'm playing back every song I wrote about the memories I have with you. I play it loud, but you never turn around. Yet it's such an easy thing to do. And I don't wanna tell the truth, 'cause nothing's gonna change. It's too late, I'm afraid. And I already fell for you. Our picture's on the shelf, but I'm not happy there. Oh, Fanny, why don't you see that I'm in love with someone else? Oh, Fanny, why don't you see that I'm in love with someone else? That I'm in love with someone. someone else. Ophelia, why don't you see that you should be with someone else? Ça que j'adore dans cette émission, c'est que les invités nous font leurs choix musicaux. Et alors, moi qui suis un peu mélomane, des fois, du coup, bah, je découvre des choses. C'est ça que j'aime bien, c'est le partage. Et du coup, bah, ouais, moi, je suis à deux doigts de le mettre dans ma playlist aussi, ouais, ce morceau. C'est chouette, c'est doux. Alors, il faut savoir que Chérie FM a totalement influencé mes goûts et j'aime bien, du coup, tout ce qui est un petit peu calme et posé d'une certaine façon. Michel Berger dans un instant sur Fréquence Protestante. Oscar Anton avec Ophélie. Donc, c'était le morceau qu'on a découvert ensemble, donc, à l'instant, dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Simon Marty est notre invité. Donc actuellement à RCF tous les matins, mais avant RCF, il y a eu du chemin. On l'a vu, hein, avec pas mal de bonnes premières expériences, bien ceux qui ont bien forgé votre métier de journaliste. On apprend. De journaliste. Et puis ce métier, vous l'avez approfondi, radiophoniquement parlant, sur de nouvelles ondes. Oui, après, hein. quelque chose qui est assez unique. La radio s'appelait Echo of Europe et pour faire simple, c'était l'équivalent d'une petite RFI en privé, en émettant en ondes courtes. Alors c'est quelque chose qui, si on n'est pas, je pense, un passionné de radio ou un amateur aguerri, ça va pas spécialement parler. Mais grosso modo, les ondes courtes sont des ondes qui sont capables de se propager quasiment à travers presque toute la planète. Ça rebondit sur la ionosphère et ça fait comme ça des bons pour aller de plus en plus loin sur plusieurs milliers de kilomètres et moi j'avais la chance de partager les informations du service français. C'est assez amusant parce que ça n'a rien à voir avec de la FM, on intervient sur des créneaux assez réduits par moment juste de 15-30 minutes pour aller toucher vraiment une partie du globe en particulier ou certaines en simultané. Alors nous on a arrosé toute l'Europe, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient et on avait un deuxième centre relais dans la banlieue de Miami qui nous permettait d'aller chercher le continent américain et chose très amusante, c'est que quand je commençais un direct, selon les endroits du monde qui étaient visés, je ne savais pas si c'était le soir ou le matin. Donc du coup, on attaquait avec un bonjour, bonsoir, selon les gens qu'on avait en France. Et en préparant, en me replongeant justement dans mes souvenirs avant de venir vous retrouver, je suis retombé sur une des fréquences qu'on utilisait, le 7315 kHz. Voilà, un truc qui va quasiment parler à personne. C'est assez amusant. Et alors ce qui m'a vraiment frappé, c'est que malgré le fait qu'on pourrait se dire que c'est un public assez élitiste que l'on va toucher, il y a certains pays en Afrique, en Asie, en Inde, où c'est extrêmement banal ce genre de médias-là. On a un public qui est derrière fidèle, que j'ai rarement retrouvé. C'est-à-dire que le matin en bureau, je prenais un grand plaisir à voir le courrier arriver parce que on reçoit des lettres, des cartes postales du monde entier. Et on se lie d'amitié parfois avec certains auditeurs. Je me souviens d'un auditeur qui habitait dans la banlieue d'Oslo et qui quasiment tous les mois m'écrivait. Donc j'avais quasiment presque des nouvelles de la famille qui venait réagir à tel sujet qu'on avait fait. J'ai jamais eu ce lien avec en FM avec des auditeurs. C'est très particulier. Et qu'est-ce que c'est enrichissant, qu'est-ce que c'est chouette. Et alors certains, c'est amusant, on vous envoie quasiment la copie de l'enregistrement qu'ils ont fait en disant mais tiens voilà quoi ça ressemble quand moi je le reçois dans mon pays. Et au milieu de ça, il y a des moments où je me dis ah ouais c'est chouette. Et il y a un autre qui me dit comment est-ce qu'il a compris quelque chose parce qu'on est au milieu d'une bouillie de parasites et la personne arrive à retrouver la station, à comprendre les morceaux. Et je dis mais ouais, on voyage littéralement. Et c'est très drôle parce que du coup, quand on revoit certains enregistrements, ça existe encore sur YouTube. Si on s'amuse à taper Echo of Europe, il y avait un auditeur, je crois, en Bulgarie qui a aimé des vidéos. Moi, ça m'amusait parce que j'avais le souvenir de ce moment-là en studio et je revoyais la même séquence à plusieurs milliers de kilomètres de là. Et c'est énorme. Ouais, c'est assez rigolo. Va falloir qu'on retrouve la vidéo et qu'on la partage alors. Mais c'est vrai, ça montre déjà que les ondes courtes et puis les radios internationales, globalement, c'est une culture. C'est une culture à part. Exactement, c'est une culture à part et c'est une certaine richesse. jeunesse, parce que du coup, à ce moment-là, je m'étais mis un petit peu à regarder ce que faisaient mes petits camarades, et c'est comme ça que j'ai tout découvert, par exemple, KBS, qui est la voix de la Corée du Sud. Alors, ça serait rigolo, parce que certains médias s'appellent encore la voix de, ce qui est un côté très étatique, un poil propagande, d'ailleurs. Mais c'est un peu ce que j'allais dire, j'allais rebondir là-dessus, justement, parce que Echo of Europe, forcément, c'est aussi un peu la voix de l'Europe, je suppose. Donc déjà, dans la manière de traiter l'information, je pense qu'il y a eu un parti pris. Il y a un parti pris. Un choix des articles. Exactement, de mettre en valeur clairement ce que fait l'Union européenne sur la scène internationale, sur dans ses traités ou autres. Donc oui, bien évidemment, là l'Europe était au centre de l'intérêt. Et puis moi, je trouve que les questions européennes, je risque de faire certainement s'hérisser pas mal de poils chez nos amis auditeurs, mais en fait, ça peut être absolument passionnant. Et quand j'entends aujourd'hui dans les médias des gens dire que l'Europe c'est pas sexy, c'est pas intéressant, ou qu'on n'y comprend rien. Et je pense par exemple au Parlement européen, mais en fait les enfants, c'est pas plus compliqué que l'Assemblée nationale. Faut juste y mettre un petit peu de bonne volonté, et à ce moment-là, oui, on va comprendre tout l'intérêt. Alors certes, c'est parfois un petit peu abstrait, ou ça peut sembler abstrait, parce que derrière des lignes qui sont incompréhensibles dans un jargon juridique, considérant que le traité machin chose, tout ça pour dire qu'en fait on a modifié la composition du papier de cigarette pour pas que les gens mettent le feu quand ils s'endorment avec une cigarette au lit. Mais c'est extrêmement concret derrière, et quand vraiment on met le petit doigt dedans, mais on peut aussi y retrouver un vrai intérêt. Et c'est vrai que l'Europe vous a beaucoup accompagné ensuite durant vos grosses parties de vos années, puisque l'aventure Echo of Europe, du coup, ça avait duré combien de temps déjà? L'aventure Echo of Europe a duré un an et demi. C'était un joli moment, et sur un reportage, alors que je suis en déplacement à Bruxelles, j'arrive pour suivre une conférence organisée par la Commission européenne. Et à l'accueil, on m'oriente mal. Et ce qui est amusant, c'est que la personne devant moi, que je vois très bien de dos, qui s'appelle Laurence Aubran et qui est la directrice de ce qui est devenu E-Radio, mais qui s'appelait E-Radio Nantes à l'époque, et elle orientée sur un chemin différent. Et en fait, tous les deux, on se perd. Et dans notre perte au milieu des couloirs des institutions européennes, on se retrouve à un moment arrivé dans deux sens opposés dans le même couloir, et à se dire vous allez à la réunion Trucmuche, ouais, c'est par où, je sais pas, bon, on va chercher ensemble. Et c'est comme ça qu'on commence à discuter et à sympathiser, et après deux jours comme ça de congrès, Laurence me dit écoute, ça pourrait être bien qu'on travaille ensemble. Et à ce moment là forcément, moi je dis oui, parce que ça a l'air intéressant. Je dis ben pourquoi pas, oui, bien évidemment. Et il y a quand même la petite voix intérieure qui dit oui, bon, alors combien de personnes t'ont déjà dit ça serait bien qu'on travaille ensemble, et pour autant, bon, c'est des belles paroles, mais qui sont rarement avec une véritable suite. Et quelques mois plus tard, ben elle me rappelle en me disant, mais si ça t'intéresse, on a quelque chose. Et du coup, l'Europe a continué avec un autre média, très classique, là pour le coup, en bande FM, E-Radio Nantes. Qui est une associative aussi, exactement, sur le 101.3 à Nantes. Et ces gens-là arrivaient avec une vision que Laurence a totalement imaginée, qui était super intéressante, c'est de se dire, il n'y a pas une actualité locale qu'on ne peut pas mettre en perspective avec l'Europe. Quand on parle, par exemple, d'une ligne de tramway, ben oui, on peut aller regarder comment les autres pays, dans une autre ville de taille équivalente, pour quels moyens de transport urbain ils ont opté, qu'est-ce qu'il y a comme avantage, inconvénient. Alors, il y a plein de façons de comparer, de mieux comprendre un petit peu, et d'élargir notre vision. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc c'était un joli média, et qui en plus avait une particularité, c'est qu'ils accueillent tous les 6 mois entre 5 et 10 jeunes européens qui viennent se former au métier de la radio, au journalisme. En fait, vous voyez l'auberge espagnole, c'est exactement la même chose en version radiophonique. Il y a des moments qui sont absolument délicieux, parce que vous vous retrouvez avec des Espagnols, des Belges, ça c'est très classique, des Suédois, voilà, ça part un petit peu en tous les sens, avec plein de variétés d'accents. Et moi, ce qui m'a toujours scotché, je sais pas si vous, Eddy, vous parlez beaucoup de langues. Les miennes sont un peu plus, malgré tout, restreintes. L'anglais, surtout. Et j'avais des moments où j'avais les stagiaires en salle de rédac. Vous imaginez l'allemande et l'espagnol qui se mettent à parler en suédois, parce que c'est plus simple pour elles, pour arriver à se comprendre. Voilà. Et là, on s'est dit, mais en fait, où est-ce que je peux vivre ça à part là? Voilà. Ça, c'est vachement chouette. C'est incroyable. Et, mais du coup, donc, Radio Nantes. Vous êtes toulousain? Oui, bah oui, oui. Alors, cette partie du coup. C'est amusant parce que ma première année, je l'ai fait depuis Toulouse. Je l'ai fait depuis Toulouse et je passe pas mal de temps dans les transports tous les mois. Je vais une semaine par mois à Strasbourg suivre les sessions du Parlement européen. De temps en temps, je vais sur Bruxelles ou notre capitale européenne, Amsterdam ou autre. Et c'est un moment qui est plutôt amusant. Je fais en fait d'une certaine façon ma petite vie dans mon coin. Tous les soirs, j'interviens à l'antenne dans une des quotidiennes de fin de journée pour faire un petit module dans lequel j'explique un petit peu l'actu qui a retenu mon attention dans l'actualité des institutions européennes ce jour-là. Et au bout de quelques temps, je me dis que ce serait quand même bien que j'aille à Nantes, ne serait-ce que pour qu'ils voient un petit peu à quoi je ressemble, parce que en fait, à part la directrice que j'ai de temps en temps au téléphone, je ne connais absolument personne. Vous n'étiez qu'une voix. Exactement, j'étais une voix, donc c'était assez amusant. Et puis au bout d'un an, le téléphone ressonne et on me dit est-ce que tu voudrais venir à Nantes pour encadrer la rédaction. Et c'est assez amusant parce que le jour où on me fait cette proposition, ma compagne qui est devenue ma fiancée aujourd'hui rentre. Elle était en master de droit fiscal à l'époque à Toulouse, qui est un master hyper sélectif. Elle était en M1 et elle vient et me dit je suis prise sur le M2, ce qui était une victoire totale. Et je suis prise à Nantes. Ah, et là on se regarde tous les deux. Le hasard fait bien les choses. Exact. Ouais. Bon, du coup elle m'a fait l'amour de tant pis de laisser le M2 à Toulouse pour me suivre, et donc du coup on a fait les bagages pour déménager à Nantes, et je suis arrivé dans une super aventure d'une radio qui était en train de commencer à se projeter un petit peu différemment, parce que Laurence avait la volonté de développer ce média sur d'autres villes. On se disait que le concept qui était fait à Nantes pouvait très bien marcher dans d'autres villes françaises, et j'ai pu assister à ce développement de cette radio qui a commencé nantaise. Et qui a fini avec, je crois qu'aujourd'hui ils ont une dizaine de fréquences en DAB en France. Il y a Strasbourg, il y a Lille, Lyon, oui. Marseille, Paris, parce qu'ils sont présents depuis l'été, sur Paris, Toulouse, Bordeaux. En fait, ils ont presque fait un carton plein sur les fréquences où ils ont postulé. C'est quelque chose que j'ai suivi parce que j'ai participé à rédiger une partie des réponses des appels à candidature, à recruter une partie des journalistes qui sont venus rejoindre et créer ce réseau. Puis c'est assez amusant de passer d'une radio associative. Alors je peux pas dire que c'est une radio associative tout à fait comme les autres, parce que c'est le genre de radio associative qui, d'une certaine façon, c'est pas présomptueux, mais a les moyens de ses ambitions. On a toujours eu la chance d'avoir des moyens financiers, et c'est toujours amusant de voir un petit peu ce déploiement, mais aussi de voir comment on doit changer nos méthodes de travail, parce que forcément, quand on est quatre, on travaille pas du tout de la même façon que quand on bascule à une dizaine ou une douzaine avec des gens qui sont dans notre ville, qu'il faut aussi parfois apprendre à connaître. Donc c'est une sacrée aventure. Ouais, c'est une très belle aventure, et c'est une radio qui se développe, qui grandit, et puis à mon avis c'est que le début. Ça va continuer. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. En tout cas, il y a eu beaucoup d'énergie de mise pour que ça puisse pousser. Et puis, avec quand même une volonté de se dire, on va aller sur le DAB et on y croit, parce que n'oublions pas que, et encore aujourd'hui, on croise des sceptiques. Ça existe. Toujours, mais il y a 3, 4 ans, 5 ans en arrière, le lot de sceptiques était encore plus important que ce qu'il n'est là aujourd'hui. Donc, il fallait avoir une vraie volonté et y croire sincèrement pour se dire, oui, on va créer un réseau multiville et on va le faire en DAB, et ça va marcher, on va arriver à lever de l'argent pour que ça fonctionne. Alors on parlait d'Europe, on va aller un petit peu en France maintenant, écouter un peu de musique française, de la nouvelle scène. C'est votre deuxième choix musical, Simon Marty, et c'est un groupe que j'aime beaucoup en plus, ça tombe bien, c'est l'Impératrice, avec Ma Starlight. Chuter de la couche d'ozone, on s'est perdu dans la veine. L'Impératrice dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Et alors, pour vous dire à quel point j'aime beaucoup, c'est pas sur leur dernier album, hein, ce morceau Masterlight, mais l'instru, moi, ça me rappelle un peu ce qu'on retrouve sur leur dernier album Takotsubo. C'est et vrai. Simon Marty, vous avez choisi ce morceau parce que vous aimez beaucoup ce groupe. J'adore ce groupe. Et alors, j'ai littéralement saoulé les gens de la technique radio parce que je le passais, dès que je pouvais, je le passais à l'antenne. Et ils n'en pouvaient plus. Je crois que même à la fin, ils me l'avaient retiré de la playlist pour que je ne puisse plus le mettre. Voilà, c'était, j'adore ce groupe. Bon, on les salue s'ils nous écoutent, hein. Voilà, c'est une dédicace pour eux. Exactement. Bien sûr. E-Radio, donc, c'est, on en parlait juste avant, c'est une belle aventure. Donc, on l'a compris, mais c'est une aventure qui a duré combien d'années? Cinq ans et demi, pour être exact. Non, oui, c'était une jolie aventure. Journaliste, coordinateur des rédactions, j'ai fait des tranches du matin, du soir, de la matinale. J'ai quasiment tout fait. J'ai eu la chance de faire des émissions depuis les Pays-Bas sur une petite île à Texel. On s'est promené, on a fait des trucs totalement improbables. Lancer, faire des émissions spéciales au démarrage de l'île. Je m'en souviens, j'ai écouté. Ça reste de super souvenirs. Mais alors, du coup, comment l'aventure radio s'est terminée? L'aventure radio, elle s'arrête avec comme d'autres, avec la Covid en fait. Hein. La Covid arrive et faut imaginer E-Radio comme une start-up en plein virage au milieu de sa levée de fonds. Et forcément, ça fait pas du bien. Donc il y a un moment où on commence par remercier les journalistes en région qui sont en CDD en disant le CDD sera pas renouvelé. Et puis forcément, quand il n'y a plus de journalistes en région, le coordinateur des rédactions, il a plus une utilité extrêmement importante. Et donc, on m'annonce que moi aussi, je vais avoir un licenciement économique dans les prochaines semaines. Et à la fin de l'été dernier, au mois de septembre, je me remets à reprendre la route des studios de radio pour mes dernières semaines de préavis. Et c'est quasiment comme ça que je tombe sur ce qui est devenu aujourd'hui mon aventure professionnelle. Mmh. Donc RCF, donc c'était sur une petite annonce, hein, je crois. Exactement. Mais c'était pas à Nantes. Non. C'est rigolo. Je suis là pour le coup. Je suis dans le train pour entre chez moi et pour aller à la radio. Et comme tous les jours, je fais un petit peu ma veille. Donc avec la lettre pro comme beaucoup d'autres. Et je vois passer l'annonce de RCF comme quoi ils cherchent une voix pour la matinale nationale. Et je me dis, ah, ça va être super chouette, ça a l'air intéressant. Et puis j'ai fait de la matinale, c'est un truc qui m'amuse. Alors j'aime pas spécialement me lever tôt, mais pour ça je suis d'accord. Enfin, c'est la radio forcément. Exactement. Toujours. Et j'ai postulé pour la beauté du geste en me disant ça ne servira strictement à rien, mais voyons jusqu'où on arrive. Et d'ailleurs le soir quand je rentre à la maison, je dis à ma compagne, j'ai aujourd'hui répondu à une offre d'emploi. Bon, j'irai pas, c'est pour voir ce que ça donne. Et puis en fait, ça a donné que je me retrouve à la matinale de RCF. Comme quoi, le hasard, hein, fait toujours bien les choses. Ouais, tout à fait. Et alors, c'est à Paris, hein, c'est pas à Nantes. Oui, alors c'est à Paris, exactement. C'est rigolo parce que je me retrouve, non, pas tout seul à Paris, parce que ça serait mensonger de dire ça, mais à Paris, RCF, on est une toute petite équipe parce que le siège de la radio, il est à Lyon. Et la matinale, elle, est basée à Paris parce que, forcément, pour recevoir les invités, c'est beaucoup plus simple de les avoir en face à face. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que moi, avant d'apprendre que vous étiez recruté là-bas, moi, je savais pas du tout qu'RCF était à Paris. Je connaissais le réseau, je sais qu'ils étaient à Lyon. Et puis pour nos auditeurs d'ailleurs, faut préciser parce qu'ils ne connaissent pas forcément RCF ici à Paris. RCF, donc, c'est Radio Chrétienne Francophone, c'est un réseau national qui fédère plusieurs radios locales chrétiennes partout en France, un peu comme France Bleu d'une autre manière. Et donc ils ont un programme national avec des émissions locales à certaines heures, hein, donc on voit un peu comment ça fonctionne. Et donc c'est une des rares radios nationales à ne pas émettre à Paris. Oui, voilà. c'est assez amusant. Alors moi, pour la petite histoire, je me retrouve habité dans un lieu où on ne capte pas RCF et je travaille dans une ville où on ne capte pas RCF. Voilà. Donc je baigne là-dedans sans pouvoir moi-même l'écouter, en tout cas à la radio. Voilà. Mais oui, c'est une jolie maison que j'ai appris à découvrir et dans laquelle c'est pareil, la notion de bienveillance dans laquelle je parlais tout à l'heure. En termes d'échelle, ça n'a strictement rien à voir avec radio. Là, d'un coup, on arrive dans une maison où à l'échelle nationale, on est un petit peu plus d'une cinquantaine de salariés. Il y a 300 journalistes en France. C'est tout autre chose. Et ça vous arrive justement de collaborer pour la matinale avec les rédactions des réseaux, des locales du réseau? Des locales, exactement. Bien évidemment, non seulement on se parle, mais typiquement, par exemple, moi, tous les lundis matins, à 7h13, on a un dossier de la rédaction qui, lui, est quotidien. Le lundi, c'est systématiquement une antenne locale qui nous signe le dossier. Donc on échange des sujets, on échange parfois aussi des invités. Ça, il y a quelques temps de cela, j'avais le directeur de l'école de Lille, le journalisme de Lille, qui était en studio, dans les studios de Lille, pour participer à la matinale. Donc on travaille vraiment main dans la main avec eux. Après, ils sont indépendants, chaque radio a sa propre entité juridique, a son autorisation, mais sont fédérés sous la bannière du réseau. C'est la marque. Exactement. J'allais dire, est-ce qu'on peut dire que c'est une franchise même, pas directement, mais en tout cas, si on doit l'expliquer facilement à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est certainement la meilleure image au fond qu'on pourrait avoir. Au fond, exactement. Oui. Et alors, du coup, dès votre arrivée, donc dans cette nouvelle aventure qui est toute fraîche, hein, puisque vous y êtes depuis octobre. Du coup, est-ce que vous y avez pu y apporter un peu de votre touche, de ce que vous avez appris dans vos anciennes expériences? Oui, parce que quoi qu'il arrive, c'est des tranches qu'on personnalise et qu'on porte humainement. Donc, il y a des choses qu'on ne change pas. C'est un petit peu ce que j'ai raconté aux auditeurs le jour de la première. Je ne vais pas refaire la grille des programmes. Je ne vais pas leur changer leurs petites habitudes. Par contre, effectivement, la voix, le ton, la façon d'appréhender les choses, ben, c'est à travers mes yeux, mon regard et ma façon de faire. Donc chacun y amène un petit peu sa patte. C'est toujours une véritable aventure parce que c'est hyper stimulant de se lever le matin en disant qu'on va réveiller plein de gens à travers la France, les dom-toms. C'est en France, c'est en Belgique. Je sais qu'à 13h, c'est le moment où je passe en Guyane. C'est super rigolo de se dire que quelques heures après, alors que parfois moi je fais ma sieste, c'est le moment où presque à l'autre bout de la planète les gens viennent vous entendre. Donc c'est super stimulant comme exercice. Le fait qu'il y ait des décrochages dans la matinale, c'est aussi quelque chose d'assez exigeant. Ah d'accord, oui, j'ignorais qu'il y avait des décrochages. Il y a des décrochages parce qu'à 7h01, à 8h01, les antennes locales viennent prendre la main pour faire leurs informations, tout comme sur les météos. Donc il y a des moments où en fait la matinale est timée à la seconde et le but du jeu c'est venir chercher ce qu'on appelle la balise. C'est le moment où on décroche, où on passe la main entre le national et le local. Et il faut se rapprocher le plus possible de ce jingle qui va déclencher l'élément, sans se le prendre dans la figure. C'était mon gros stress initialement. Avant la première, les premiers jours quand on arrive quelque part, c'est super parce que tout le monde vous dit bienvenue, c'est chouette, et on est un petit peu le centre de l'attention. Et personnellement, je redoutais vraiment la première parce que je me disais, sur la première, c'est le moment où tout le monde va vouloir t'écouter. Parce que forcément, t'es le dernier arrivé, on va vouloir se faire une idée de qu'est-ce que ça vaut, est-ce que tu te prends les pieds dans le tapis ou pas. Ça a été finalement. Ouais, ça s'est bien passé. J'ai fait différentes danses de la joie à chaque passage de décrochage et raccrochage bien négocié. Les auditeurs pouvaient pas le voir, mais oui, ça s'est bien passé. Et pour la petite parenthèse d'ailleurs, pour revenir sur le DAB+, il y a E-Radio qui s'y est développé, mais il y a RCF également qui est présente. Les locales y vont progressivement, hein, au fur et à mesure où le lancement se fait dans les villes. Mais il y a aussi RCF Alsace qui a été lancé exclusivement sur le DAB+. Et puis il y a même RCF à Nice qui a quitté complètement ses fréquences FM pour s'installer sur le DAB+. Ça, c'est une grande première. La mécanique des ondes. Et on vous souhaite encore que ça dure longtemps, cette aventure à la matinale de RCF. Je touche du bois. On croise les doigts pour vous, en tout cas. On va se quitter avec la partie questionnaire pour nos 5 dernières minutes ensemble, à commencer par la question capsule que j'ouvre maintenant. À l'intérieur, Jean-Marc Laurent, notre président invité, qui a connu les radios libres et les premières années d'énergie notamment. Il a laissé une petite question pour vous qu'on écoute tout de suite. Bonjour Simon Marty, vous avez parlé avec Eddie de votre parcours. J'aimerais savoir, de mon côté, vous qui avez travaillé sur celle qui est une radio associative et qui s'appelle E-Radio, radio associative donc européenne, pense-t-elle à changer de statut prochainement pour prospecter le monde publicitaire et qui est sans doute nécessaire pour faire vivre un tel média avec des ambitions européennes? Alors ça, c'est une bonne réflexion, je trouve, par rapport aux radios du DAB+, parce qu'il y a beaucoup de petites radios qui se lancent sans qu'il y ait forcément de publicité. Et c'est vrai que je m'étais moi-même posé cette question, justement. C'est mettre la main dans un engrenage de débat et de réflexion qui n'en finit pas. Bien évidemment qu'il y a des moments où la question s'est posée, parce que en réalité, même quand on répond à l'appel à candidature du CSA, il y a des moments où, soyons honnêtes, d'une certaine façon, on pourrait presque répondre à l'appel d'une catégorie C, avec sa maison mère qui est l'AD. Mais non, parce que ça fait quand même partie de l'identité de la radio de ne pas avoir de publicité. Et soyons honnêtes, il y a des moments où on a réfléchi, on s'est posé la question de savoir, par exemple, est-ce que rentrer au GIE, ça vaut le coup? Ça va demander quoi en termes de sacrifice? Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement amener les gens sans que le choc soit trop violent? Et puis, on est arrivé à la conclusion que dans un premier temps, ça serait trop compliqué. Et puis que, il fallait déjà, quoi qu'il arrive, faire marcher l'aventure dans un premier temps, et que plus tard, peut-être, on verra bien ce que l'avenir leur réserve, mais ça fait l'objet de beaucoup d'heures de discussion. Bon, à suivre donc, et c'est vrai que pour une radio associative en réseau national, c'est pas si courant, à part RCF. Exactement, à part RCF, effectivement, c'est pas évident, puis effectivement, il faut des moyens financiers, c'est pas simple. Surtout en ce moment, j'imagine. On va se quitter maintenant avec le questionnaire rapide. Simon Marty, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ? Une personnalité de radio qui pourrait être mon modèle, Christophe Ondelette. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Entre France Inter et RTL, ça marche, on peut faire les deux ? France Inter TL. Exactement. Quelle radio vous réveille le matin ? France Info. Quelle radio vous endort le soir ? Soit RCF, soit France Info. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Sous la douche. Un endroit où vous n'écoutez jamais ? En studio. On l'écoute pas, on l'a fait. C'est pas pareil. Bon. On écoute ce qu'on fait. Votre meilleur souvenir de radio ? Mon meilleur souvenir de... Celle-là, elle est pas simple. Meilleur souvenir de radio, certainement l'une des matinales que j'ai fait sur ma petite île de Texel où il y avait plus de moutons que d'habitants. Et on se retrouve à créer une matinale en faisant réagir des gens. Et au milieu de tout ça, des 150 habitants, il y a une radio. Il y a une radio locale qui, avec un matériel de dingue, pour n'importe quel amoureux, on se dit, mais en fait, ils sortent d'où tout ce matos sans se croire dans une mini RTL sur une île perdue au milieu de la mer du Nord. Le pire souvenir ? Toutes les fois où le texte, l'ordinateur bug au moment de prendre l'antenne, où les fadeurs de la console numérique ne répondent plus. Oui, en fait, non, il y en a plein. Et enfin, pour terminer, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio. Ne jamais laisser tomber. Je pense que c'est un métier de la persévérance. Il faut accepter d'y aller quand tout le monde vous dira ça va pas marcher et se dire que si, en fait, il faut y croire. Et tant qu'on y croit, ben, parfois ça le fait. Et c'est là-dessus donc qu'on va clôturer cette 71e mécanique des ondes. Simon Marty, merci à vous. Merci Eddie. Tous les matins donc entre 6h et 9h sur RCF. 6h39h. Merci. Je commence un peu plus tard. Partout en France donc, et puis à Paris, on peut écouter sur rcf.fr. Voilà, parce que Internet est là aussi. Merci Internet. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette mécanique des ondes. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, toujours radiophonique bien sûr. D'ici là, n'oubliez pas les podcasts à retrouver sur fréquenceprotestante.com et sur lamecaniquedesondes.com.